Kalachnikov. Od sage, Kalachnikov. Zesso, Zesso, dissident, dissident, 7-7-9-4. On m'a dit, y'a moyen de créer l'accueil, mais suffit pas d'avoir le gun pour avoir la maille à Michael. J'ai commencé par ennemi de ma gueule, j'connais les cases de mer, j'attends rien d'eux et qu'ils en fassent de même. Amis, ennemis, y'a qu'un pas à faire, touche à la famille et c'est l'harmonie qui se transforme en bras de fer. One dead, bien avant la trentaine, viens pas test ou t'y restes avec les gens que t'aimes. Bébé, ce soir tu rentres en string, fais pas ta folle, la rue transpire ce qu'on vient transcrire en métaphore. Mille et une raisons de pas la perdre, on garde la pêche frère pour la fraîche. Y'a toujours une canne à pêche, pêche à la dèche. Aujourd'hui la tôle est magnétique, ils veulent t'empêcher de gagner le fric ou manier le pic. C'est maléfique, t'es maléfique. Et tu comprendras pourquoi les petits ont cette vision apocalyptique. Dans la drogue camarade, dans les égouts, te voilà plongé dans ma prod camarade, vas-y écoute. Casso, casso, sous les verrous casse, les genoux les gaffes, on croit pas qu'on plaque, nous à la genre on casse. Casso, this is gros, ma bite, j'ai les gros, dans la bite, je suis sirop de la street. Casso, bien avant la trentaine, viens pas test ou t'y restes avec les gens que t'aimes. Cassos, jusqu'à l'os, des carcasses, de filoche, je veux de la sauce, l'escalope, la carcasse, si t'agace, pas de minos, les salopes, j'ai calope et j'ai gras dans ta race, te chira, ta caillasse. T'as un blême, un dilemme, j'ai la barbe, pas un gamme, à ta life, mais un terme, et sa barbe, à un gamme, je suis sirop de la street, des six gros, ma bite, j'ai les gros, d'un bite, les abdos à la croix. Les ados sont accro à la coach, t'as les plecs pour brailler, t'as la côte, t'assures, pas de côte pour aller à la côte, t'assures, mais t'assures, la sorcie est sensible, j'suis le classeur, arracheur de gentil, j'suis vainqueur et un cœur d'insensible, pas un tif, la fantasse sur le caillou, mais toi spiff, tu guéras, tu cachou, t'es capable, me criave, t'es cachou, dans ta bouche, mon sponsor, cochonou, casso. Dans la prod, camarade, dans les égouts, te voilà plongé dans ma prod, camarade, vas-y écoute, casso, casso, sous les verrous casse, les genoux les gaffes, on croit pas. On plaque, nous à la genre on casse. This is gros, ma bite, j'ai les gros, dans la bite, je suis sirop de la street. Casso, bien avant la trentaine, viens pas test ou t'y restes avec les gens que t'aimes. J'arrive, en direct de Vitry, papa la dérive. On a tous des rêves, faut que t'as des risques. Pour eux, on est tous des bacteries. Dès que la bac, nettoie le terrain, fais en prison que t'atterris. Au mieux, salosto, à nos jolis verres dans le cul. T'as la CMU, c'est mieux pour ta sécu. 9-4, on nique le procureur. Faux cul, amateur, trop cul. Pointeur à l'occas, cocu. Tape dans la coca, au l'ouest comme coca. Ami de la pouca. Putain, moi j'comprends pas ton cas. On a peut-être pas la même vision, la même peine, disons. Précision, pour un peu d'oseille, tu prends 10 ans. Pas de justesse dans leur justice. Non, pas de justesse pour les gars sociaux. Car nous la justice est gars cellulaire. Détention, jeunesse en colère. Parce qu'il y a plus de présomption d'innocence. On a pas trop de 6 options entre nous. Y'a des prétentions, elle, j'fais de la rétention. J'pèse les temps, le vrai, attention. Mon horizon, c'est le même chaque jour. J'suis à la recherche d'une extension. Voilà pourquoi j'baisse ton son, garçon. Parce que bien il pèse, ouais, c'est le best, puis il te laisse en sort. C'est si dumb, depuis que j'suis adolescent. Ils ont fait quoi pour nous qui s'attendent pas à ce qu'on soit reconnaissant. J'rappe pas, j'suis pour jouer les intéressants. J'parle plus en francs, mais en euros, on veut des billets de sang. Néochrome, Kalachnikov. Casso. Dans la prod, camarade, dans les égouts, te voilà plongé dans ma prod, camarade, vas-y écoute. Casso.